et la colère monte doucement. À ceux qui nous confisquent le sourire, prenez ça comme un avertissement. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. À ceux qui nous confisquent le sourire, prenez ça comme un avertissement. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. Symptomatique, signe des temps, un fatalisme dévitalisant. Désespoir, des esprits s'enlisant, creusant un peu plus le fossé entre générations. Des idolâtres qui prennent les démons en vénération, sans modération. Les actes d'incivilité se multipliant, dans les transports en commun s'écriant. Le manque de perspective habite nos corps inertes. Certes, chez nos voisins l'herbe n'est pas plus verte. On se bat pour plus de liberté, ici et là. Le déclin des démocraties a un charme que je ne capte pas. Le choix entre le choléra et la peste. On ne compte plus ceux qui retournent leur veste. Étonnés de l'effondrement des régimes qu'on déteste, comme des endormis qu'on dérange pendant la sieste. Les illusions disparaissent et les masques tombent. Pensy, ils ont les chevilles fragiles, les mastodontes. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. À ceux qui nous confisquent le sourire, prenez ça comme un avertissement. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. À ceux qui nous confisquent le sourire, prenez ça comme un avertissement. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. Faciès assombris, regard fuyant, funeste projection des idéaux déclinants. Multiplication des moyens de communication, aptitude, solitude. On vit par procuration, atmosphère délétère, intéressement. On pense le bonheur dans les biens de consommation. On est ce que l'on possède, inexistant. On considère comme des marginaux les résistants. Suicide collectif pour éviter la honte. Prisonniers des crédits, noyés dans les comptes. On maudit le système comme des schizophrènes. On fait bonne figure pour passer à l'antenne. L'âme en peine quoi qu'il advienne. On est bouleversé par le cours des événements. Impuissant quand se déchaînent les éléments. On nous ment depuis longtemps, on ne sait pas vivre autrement. Désormais plus rien ne sera comme avant. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. À ceux qui nous confisquent le sourire, prenez ça comme un avertissement. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. Les gens se parlent, communiquent et la colère monte doucement. À ceux qui nous confisquent le sourire, prenez ça comme un avertissement. Les gens se parlent, communiquent